Once again, for this short conversation, you know all the language, except for two phrases. First, de rien. Don't mention it. Listen and repeat. De rien. De rien. And second, you'll also hear, nous sommes. We are. Listen and repeat. Nous sommes. And now here's the rest of the scene. Dans l'ascenseur. In the lift. But what does it mean? You don't know? No. And there's nothing to say who or where it's from. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous sommes au troisième. Au troisième? Ah oui, c'est le troisième. Nous sommes au troisième. I'm sorry. C'est votre étage. It's your floor. Oh, right. Merci, monsieur. De rien. Bonsoir. Bonsoir.